boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Salut à tous, les Two Sisters avec Wake Up nous réveillent pour un pop and rock sur la très locale RVR pendant lequel la prise d'amphétamine sera complètement inutile. Happiness inclined. Now she's rose from the dead. Hey. Hey. But if Duchess still can set in, her whispers breath from heaven. Her heartbeat, the song of life. Now she's broken from the dead. The bags don't be killed. Don't be. Bags don't be killed. Bags don't be killed. Shining light deep in the dark, hey! Made me happiness inclined, hey! Now she's rolling from the dead. My zombie girl. My zombie girl. My zombie girl. My zombie girl. Hey! Two Sisters, ce sont quatre gars du Val-de-Marne, la patrie du Eddy de Préto, qui a donc donné naissance à quatre énergumènes, le Val-de-Marne, hein, pas le Eddy de Préto, à quatre énergumènes déjantés, piqués au rock post-punk, et tout ça, on valide à fond dans Pop and Rock. Ouais, je sais, la semaine passée, Pop and Rock avait envoyé les trois mêmes titres des Two Sisters. On avait aussi envoyé Clinique Rodeo. Ouais, nos chouchous du moment sont rock, sont punk, sont noir, sont froid. On écoute Surprise par Clinique Rodeo. Alone. Pop and Rock, et ce soir encore une fois, notre programmateur nous envoie ses chouchous de Clinique Rodeo. Pop and Rock de temps en temps, Raskolnikov, ça doit vous dire quelque chose. Mais alors bien sûr, on pourrait parler littérature, mais ma culture n'est pas assez éclairée pour cela. Raskolnikov, ce sont les potes de Albert Roche qui nous font attendre depuis bien trop longtemps. Entre une vidéo qui n'arrive pas et un nouvel album toujours en phase de studio, on doit patienter. Mais heureusement, le Madze reprend son rôle de dictateur et remet la machine en route. Alors oui, Pop and Rock a bien des nouveaux titres à écouter, mais pas encore autorisé à les programmer ici. On se contente donc de vieux titres avec le Manchang Point, joué en une seule prise un soir de Covid-19. Right, that's what I find out. man of war. Et c'est clair que ce soir, Pop and Rock ne fait pas dans la dentelle. Si vous ne secouez pas la tête, si vos cheveux restent bien coiffés, si votre pied ne bat pas la mesure, si vos neurones ne s'agitent pas, eh bien, coupez le poste et allez voir ailleurs. Yeah. Dandy Warhols, les Franz Ferdinand, Interpol, ma triplette idéale pour un lundi soir froid d'hiver. Et si cela ne vous suffit pas, vous avez encore ce petit truc. Ouais, c'est peut-être dans les vieilles guitares qu'on fait les meilleurs riffs. Escape hatch for me. Accelerate, c'était R.E.M. version 2008, mais ce soir, branchez vos écouteurs sur la machine à remonter le temps pour retrouver le 20e siècle. Give it on the radio. Passion. your bed at night. Shh. It's a 12:30. Shh. As you turn out your side light. Shh. Oh, something ain't right. Shh. There's no passion. There's no passion. There's no Et surtout n'oubliez pas, si vous aimez nos programmations, retrouvez-nous sur la page Facebook de Pop & Rock sur RVR. Sur ce... Il y a donc bien longtemps, le Jim Care et ses simples d'esprit faisaient bien des étincelles sous la pluie, mais depuis, allez, stop, pas de place pour la nostalgie, aujourd'hui, le 21e siècle nous offre bien des plaisirs. Le père du rock, Bob Mould, est aussi au rendez-vous ce soir et, pour une fois, il ne ferme pas la marche. Je vous envoie donc des titres que jamais je ne vous avais programmés. Après le sublime Hold On, voici le doux, le long One Good Reason. Yeah.